Chapitre 4. Imaginez que Madame Fitzgerald accueillit les deux fugitifs avec des explosions de colère et de reproches, ce serait absolument la méconnaître. Elle était navrée sans doute d'une escapade qui choquait toutes ses idées sur les convenances et sur le savoir-vivre. Mais le comble du mauvais goût eût été d'en exagérer elle-même la gravité. Elle se contenta de sourire et de hausser légèrement les épaules en apercevant les coupables. « Mes enfants, vous êtes ridicules, » leur dit-elle. « Vous vous conduisez comme deux accordés de village. »« Maman, » dit Mademoiselle Marie en lui sautant au cou, « nous avons obéi à ma tante. »« Mais ta tante, ma chère, ta tante est une sauvage, tu dois le savoir. Elle n'a jamais vécu dans le monde. C'est une femme des bois, ta tante, enfin. » Dans l'après-midi et jusqu'au soir, le château fut le théâtre d'une extrême animation. Les divers trains de Paris amenaient successivement des fournées de parents, d'amis, de témoins et de demoiselles d'honneur, accompagnées de leurs bagages. Le roulement continuel des voitures dans la cour, les salutations de bienvenue, les rires des jeunes filles, les cris des domestiques, le bruyant transport des caisses dans les escaliers, tout cela se mêlait dans un tumulte et dans une confusion indescriptible. Madame Fitzgerald et sa fille, aidées du comte Patrice, s'évertuaient à recevoir leurs hôtes, à les guider dans le dédale des corridors, à les caser tour à tour dans leurs logements respectifs. Lionel, dans la mesure de son rôle, prêtait son concours avec une bonne grâce courtoise, quoiqu'au fond de l'âme cette partie de la fête lui parût d'un intérêt médiocre. Une seule personne restait étrangère à tout ce mouvement, c'était la comtesse Jules, qui, toujours assise dans sa fenêtre, continuait de tricoter avec une impassible sérénité. À ce violent remue-ménage succéda bientôt le bruit plus doux des longues robes traînantes dans les couloirs et des avalanches de soie dans les escaliers. Un dîner royal réunit tous les conviés dans une vaste galerie, au milieu d'un odorant encadrement de feuillages et de fleurs, après quoi on passa de la galerie dans le salon, avec cette belle humeur expansive et cette sympathie mutuelle qui sont, dans toutes les conditions sociales et sous toutes les latitudes, les conséquences ordinaires d'un repas confortable. Pendant qu'on prenait le café, Mademoiselle Fitzgerald crut devoir présenter particulièrement son fiancé à deux jeunes femmes, la duchesse d'Estrénie et Madame de Chelles, qui étaient, comme Madame de Loris, ses cousines et ses amies d'enfance. Madame de Chelles, rieuse, pétulante et d'allure un peu tapageuse, n'en avait pas moins par moments, au fond de ses yeux noirs, une expression bizarre de rêverie distraite et presque égarée. « Ma chère, dit-elle de sa voix brusque à Mademoiselle Fitzgerald. « La première fois que tu iras au Bouffe parisien ou au Palais royal, tu me prendras avec toi. Je veux jouir de tes premières impressions. C'est très amusant, tu verras. Moi, je me suis mariée principalement pour aller au petit théâtre, mais je commence à m'en lasser parce que mon mari m'embourre. » « Plaignez-vous donc, ma chère, » dit M. de Chelles qui intervint en caressant sa moustache rousse. « Moi, j'ai un système, » ajouta-t-il d'un ton sentencieux, car il était de ceux à qui le vin donne de la gravité. « Je fais partager tous mes plaisirs à ma femme. Je ne suis pas égoïste, j'ai mes goûts, mais j'y associe ma femme. Ainsi, j'aime les petits théâtres où l'on dit des gaudrioles. Eh bien, j'y conduis ma femme avec moi. J'aime les courses, j'y conduis ma femme. Je vais au bal de l'opéra, j'y mène ma femme. Je vais souper avec quelques amis après le bal, je suppose. Eh bien, ma femme soupe avec nous. » Une femme doit être le camarade de son mari, voilà mon système. Ah, mon Dieu, dit Madame de Chelles, vous êtes bête avec votre système. Allez, mon ami, vous me perdez, je vous méprise du reste. Et elle tourna sur ses talons en poussant un éclat de rire. La duchesse d'Estrénie était blonde, frêle, supérieurement élégante, avec des yeux pleins de langueur et même de tristesse. Elle était triste parce que le duc, son mari, qui l'aimait incontestablement, ne l'aimait pas d'amour. Quand M. de Rias lui fut présenté par sa cousine, elle le considéra d'un air d'intérêt douloureux, puis, embrassant tendrement Mademoiselle Fitzgerald, « Aimez-la bien, monsieur, n'est-ce pas ? » dit-elle d'un accent profond. « Oui !» s'écria en même temps derrière eux une voix sonore et joviale. « Mais diable, aimez-la d'amour, mon cher, tout est là. Voyez-vous, mon cher Lionel, » continua le duc d'Estrénie, qui était un homme superbe et d'une puissante encolure, il faut aimer les femmes d'amour ou ne pas s'en mêler. Moi, je désespère cette pauvre duchesse parce que je ne l'aime pas d'amour. parce que je ne lui fais pas de vers. Et mon Dieu, non. C'est un malheur, mais je ne fais pas de vers. Que voulez-vous? Je suis bâti comme ça. Je ne fais pas de vers. » Et il scandait ces mots avec force, comme pour laisser entendre que s'il ne faisait pas de vers, il se regardait en revanche comme un prosateur des plus distingués. Pendant cette tirade, la duchesse ôtait ses gants et ajustait ses bagues avec une mine de froide inattention. Quand le duc eut terminé ses joyeux propos, elle se tourna simplement vers Mademoiselle Fitzgerald et lui dit « Viens-tu ?» Elles se dirigèrent toutes deux vers le piano. La duchesse soulagea d'abord par une fusée de gamme chromatique son âme indignée. Puis, les mesures d'une valse à quatre mains éclatèrent bruyamment dans le salon et firent palpiter les corsages des demoiselles d'honneur. Un peu plus tard, dans la soirée, Lionel vint s'asseoir à côté de Madame de la Veil, qui assistait d'un air de satisfaction épanouie à cette fête de famille. « Ma chère marraine, lui dit le jeune homme d'un ton sérieux, est-ce qu'il est encore temps de rompre ?»« Comment, de rompre ?» s'écria la marquise, qui bondit sur son fauteuil. « Est-ce que vous êtes fou, mon ami ?»« Je le suis certainement de Mademoiselle Fitzgerald. »« Eh bien alors ?» Au même instant, Mademoiselle Marie, qui valsait, s'arrêta devant eux et, se penchant vivement, le sourire aux lèvres. « Qu'est-ce qu'il vous dit, madame ?»« Il me dit qu'il est fou de toi. »« Oh, la bonne folie !» dit gaiement la jeune fille, en s'élançant de nouveau dans le tourbillon. « Jamais, reprit Lionel, je ne l'avais appréciée comme aujourd'hui. Elle est simple, elle est vraie, elle est tendre, elle est honnête. C'est une créature charmante, un être exquis. » Mademoiselle Fitzgerald, comprenant qu'on parlait encore d'elle, arrêta pour la seconde fois son valseur sur place. « Qu'est-ce qu'il vous dit encore, madame ? » demanda-t-elle à demi-voix. « Il me dit que tu es un être exquis. » « Il est vraiment fou, » dit-elle, et elle se remit, toute rayonnante, au bras de son valseur, qui souriait agréablement, mais que tout cela n'amusait pas. « Et cependant, » poursuivit M. de Rias d'un ton plus confidentiel, « je suis tourmenté ce soir des idées les plus sinistres. »« Quelles idées, mon pauvre ami ? » ?»« J'ai remarqué une chose effrayante. Nous avons parmi nos invités 7 ou 8 ménages qui n'ont pas été choisis assurément, qui sont pris au hasard dans le monde. » Il n'y en a pas un seul qui ne soit à l'état flagrant de mésintelligence et de désunion. Jetez les yeux autour de vous, et je vous défie de me démentir. » La vieille dame parcourut le salon du regard et, faisant des lèvres une moue plaisante, « Il est certain, dit-elle, qu'en fait de ménages exemplaires, nous n'avons pas ici la fleur des pois. » « Eh bien, reprit Lionel, je me dis amèrement que tous ces gens-là, ou du moins le plus grand nombre, se sont aimés comme nous nous aimons, Mademoiselle Fitzgerald et moi, qu'ils ont tous eu une veille de mariage pleine de charme et d'espérance comme la nôtre, et j'en conclus qu'il doit y avoir dans l'état de notre civilisation, particulièrement peut-être dans nos mœurs mondaines, quelque cause générale qui altère le mariage dans sa source et y dépose un germe fatal, qui d'avance frappe de stérilité les dispositions les plus généreuses et les plus sincères, et qui font presque infailliblement d'une institution d'amour et de paix, une institution de haine et de guerre. Vous m'avouerez que ce sont là des pensées terribles pour un homme qui se marie demain. « Mon Dieu, ne cherchez donc pas midi à 14 heures, mon enfant, » dit la marquise. « Il n'y a pas de cause générale, il n'y a pas de germe fatal, il n'y a rien de tout cela. J'ai déjà eu l'honneur de vous le dire. Il y a de mauvais maris, voilà tout. » « Mais je n'admets pas du tout votre théorie, » s'écria Lionel. Elle est en tout cas beaucoup trop absolue. Permettez, mon ami. Examinons un peu tous ces maris-là, je vous prie. Voilà en premier lieu le duc d'Estrée, n'est-ce pas? C'est un très brave homme, sans doute. Ce n'est pas un mauvais mari, si vous voulez. Mais c'est un absurde maladroit. Sa femme est une petite personne délicate et sentimentale comme la rosée. Et lui, c'est un serrurier. C'est un vrai serrurier. Par-dessus le marché, il ne cesse pas de la plaisanter sur son innocente manie romanesque. Eh bien, il la blesse, il l'exaspère. Elle finira par trouver quelqu'un qui la comprendra, c'est certain, mais à qui la faute? Maintenant, nous avons ce petit De Chelles. « Oh, De Chelles, dit Lionel, je vous l'abandonne. Il fait mener à sa femme la vie de garçon, c'est un sot. » « Bon, dit la marquise, en voilà déjà 2. Eh bien, les autres, c'est encore pire. Vous n'ignorez pas que M. Déblis a commencé par faire patronner sa femme dans le monde par sa maîtresse. Joli début, comme vous voyez. En voilà un autre là-bas dont la sordide avarice a poussé sa femme aux expédients, aux emprunts et à tout ce qui s'ensuit. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Charny, lui, n'est pas avare, au contraire. Il vient de donner à mademoiselle je ne sais qui des variétés un attelage de 25 000 francs, et sa femme, modestement traînée par une paire de chevaux de 3 000 francs, la rencontre tous les jours au bois dans cet équipage, dont elle n'ignore pas la provenance, soyez-en sûr. Monsieur de Laster est un homme sérieux, trop sérieux, il veut être ministre. Il s'occupe d'économie politique. Sa femme n'entend rien à tout cela. Il la méprise, il l'abandonne. Mais il a pitié d'elle. Il lui envoie tous les jeunes gens qu'il rencontre sur le boulevard. Allez donc voir ma femme. Allez donc tenir compagnie à ma femme. Allez donc faire de la musique avec ma femme, etc. Ce pauvre Lommel, lui, a des goûts tranquilles. Il est modeste, il est timide, il se défie de lui-même. Il a peur des actrices, il a peur des femmes du monde et même de la sienne. Mais il n'a pas peur des femmes de chambre. C'est sa consolation. Eh bien, mon ami, il me semble que c'est tout, et que cela est fort rassurant pour vous. Pardon, pas le moins du monde, dit Lionel en riant malgré lui de cette impitoyable énumération. D'abord, j'ai grand-peine à croire que les femmes de ces messieurs soient toutes de pures victimes, parfaitement innocentes des torts de leur mari. Ensuite, même en me prêtant complaisamment à votre système, je me demande quel homme peut se flatter d'échapper à quelqu'une de vos catégories. Car enfin, si l'on n'est pas un pervers et un sot, on est un maladroit. Et combien y a-t-il de manières d'être maladroit ? Il y en a 100 000, mon ami, dit la marquise. Et il y en a une en particulier qui consiste à faire de la philosophie et à chercher la quintessence des choses avec sa vieille marraine, au lieu de valser avec sa jeune femme quand elle en meurt d'envie. Sur cette sage observation, M. de Rias courut à son devoir, qui n'avait pas encore cessé d'être son plaisir, et eut bientôt oublié, sous le regard bleu de sa fiancée, les fâcheuses préoccupations qui l'avaient un moment obsédé. La journée du lendemain, qui fut celle du mariage, parut tout à fait insupportable à Lionel. Il avait, quelque temps auparavant, suggéré timidement à Madame Fitzgerald l'idée de procéder au mariage civil et religieux, soit à 6 heures du matin, soit à minuit, dans la stricte intimité de la famille. Madame Fitzgerald avait repoussé cette suggestion comme une excentricité sauvage qui eût prêté au mariage de sa fille une sorte de caractère clandestin. Le mariage eut donc lieu à midi, au son des cloches du village et au milieu de l'allégresse publique. Il fallut subir la curiosité de la foule, les cocardes multicolores des chevaux et des cochers, les livrées neuves et la grosse joie des valets, bref, tout l'appareil à la fois éclatant et vulgaire d'une noce. Pendant la cérémonie religieuse, qui seule lui plut et le toucha, M. de Rias ne laissa pas de remarquer un fait qui pouvait donner quelque apparence de raison aux théories de sa marraine. Parmi les assistants, les hommes avaient pour la plupart des attitudes distraites, indifférentes ou doucement ironiques. Les femmes, fort sérieuses au contraire, montraient une sorte de ferveur passionnée et, courbées sur leurs chaises, s'absorbaient dans des recueillements mystérieux. Quelques-unes pleuraient. Toutes semblaient se souvenir avec angoisse qu'il y avait eu dans leur vie une heure pareille, remplie de pureté, de confiance, d'espoirs infinis et de doux serments qu'elles auraient voulu tenir. On avait d'abord projeté de terminer la fête par un départ immédiat des jeunes mariés pour l'Écosse ou pour l'Italie. Mais Madame Fitzgerald avait supplié son gendre de lui laisser sa fille quelque temps encore, et Monsieur de Rias, trop essentiellement parisien pour avoir le goût des voyages, s'était rendu volontiers à ses instances. Il faut avouer qu'il s'en repentit lorsque, le lendemain de son mariage, il dut descendre dans le salon à l'heure du déjeuner et se produire devant une douzaine de parents et d'amis qui avaient été retenus au château. Dans ces étranges conjonctures, les hommes les plus spirituels sont en réalité fort embarrassés de leur contenance. En pareil cas, en effet, le sourire est gauche, le rire déplacé, l'épanouissement niais, l'abattement ridicule, l'air de triomphe grossier. L'air naturel serait le meilleur, mais il est impossible. Madame de Rias, en revanche, parut avec l'aplomb véritablement infernal qui distingue les jeunes femmes d'un jour. Elle servit le thé à l'ordinaire en souriant paisiblement, le front pur et l'œil limpide. Dans cette matinée, la comtesse Jules quitta le château. Après être montée en voiture, elle fit approcher sa petite nièce, l'embrassa une dernière fois et lui laissa pour adieu cette belle maxime. « Rappelle-toi toujours, ma pauvre enfant, que la femme est faite pour souffrir et l'homme pour être souffert. »